travail, famille, patrie, argent. Tiens, si je me suicide, ça ferait plaisir à mon coiffeur. Il ne rêve que dans les coups, je le réveille par erreur. Tiens, si je me suicide, ça ferait plaisir à mon patron. Il ne rêve que dans les coups, que je n'arrive jamais à l'heure. Tiens, si je me suicide, ça ferait plaisir à mes enfants. Il ne rêve que dans les coups, faire de leur nombre en militant. Tiens, si je me suicide, ça va être vite de perdre du temps. Tous mes problèmes seraient résolus. Travail, famille, patrie, argent. D'ailleurs si je me suicide et ça simplifierait mes impôts. Dans la case revenue j'écrirai oui mort vivant bientôt. Tiens si je me suicidais. Tiens si je me suicidais. Tiens si je me suicidais. Tiens si je me suicidais. Car si je me suicide, ça fait plaisir à mes enfants. Ils n'auraient plus à tourner quoi faire leurs parents vieillissants. Car si je me suicide, ça m'éviterait de perdre du temps. Tous mes problèmes seraient résolus. Travail, famille, patrie, argent. Travail, famille, patrie, argent. Travail, famille, patrie, argent.